بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معنا اليوم تفسير سورة مكية ونرجعون vers l'exégèse d'une sourate mécoise وهي سورة الماعون donc la sourate الماعون الله تبارك وتعالى qui dit après la basmala أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ أي أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْجَزَاءِ وَالْحِسَابِ C'est-à-dire, vois-tu, as-tu vu celui qui traite de mensonge la rétribution et le jugement هَؤُلَاء الَّذِينَ لَا يُرَعُونَ أَدَبًا مَعَ اللَّهِ وَمَا خَلْقِهِ Et donc ces gens qui n'accordent aucune importance au bon comportement envers Allah Tabaraka wa Ta'ala et ses créatures. Comme on l'a vu précédemment, le fait que l'individu ait la croyance كَوْنُ الْمَرْ يَعْتَقِدْ أَنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُحَاسَبْ هَذَا يُعِينُهُ Et donc, lorsqu'un individu croit qu'il sera ressuscité et jugé, cela va l'aider dans son comportement envers son Seigneur, mais aussi envers les créatures de son Seigneur. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit après cela, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ C'est celui qui repousse Celui qui repousse brusquement l'orphelin. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ Et il n'incite pas à nourrir le pauvre. فَالْيَتِيمِ كَمَا رَئِنَهُ وَالَّذِي فَقَدَ أَبَاهُ دُونَ الْبُلُورِ On a vu que l'orphelin en islam, c'est celui qui a perdu son père avant d'avoir atteint la puberté. فَهَذَا الْيَتِيمِ هُوَ مَحَلٌ لِلشَّفَقَ وَالرَّحْمَةِ Et donc cet orphelin, il a besoin d'attention, de miséricorde, de douceur. لكن هذا المكذب بالدين لقسوة قلبه لا يراعي هذا الأمر. Cependant, cet individu qui traite de mensonge la rétribution, alors celui-ci ne fait pas attention à ce point important. فإن جاءه يتيم يسأله عن شيء وَقَدْ يَسْأَلُهُ عَنْ حَقِّهِ يَرُدُّهُ بِعُنْفِ Et donc lorsque un orphelin vient à lui, lui demandant quelque chose, et il se peut que cet orphelin demande son droit, c'est son droit, alors cet individu va le repousser brutalement, il va le repousser avec dureté. وَهَكَذَا الْمُكَذِّبْ لِلْجَزَاءِ كَذَلِكَ لَا يُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَلَا يَدْعُ إِلَىٰ إِطْعَامِهِ Et donc ainsi, cet individu qui mécroit à la rétribution, il ne va pas nourrir le pauvre, le besogneux, il ne va pas le nourrir. Il ne va pas non plus inciter les gens à le nourrir. وَإِنَّمَا الَّذِي يَهُمُّهُ أَنَّهُ وَجَدَ طَعَامَهُ هُوَ Cependant, ce qui lui importe, c'est qu'il a trouvé sa nourriture à lui. Il a trouvé son repas, alhamdulillah, khalas. Il ne pense pas aux autres. فَالْحَمْدُلِلَّهِ يَلَى نِعْمَةِ الْإِسْلَامِ Alors, nous louons Allah Tabaraka wa Ta'ala pour les bienfaits de cette religion, la religion musulmane. هذا الدين الذي يحثنا على التفكر في الآخرين. Cette religion qui nous pousse à penser aux autres, à réfléchir. Est-ce que les autres ont besoin d'aide? Est-ce qu'ils ont besoin de nourriture, d'argent ou autre? Est-ce qu'ils ont besoin d'un service? Et donc ceci est un bienfait que nous avons dans notre religion qui nous pousse à faire le bien. وأقول وأكرر لن تجد شريعة أحسن من شريعة الإسلام. Et donc je le dis et je le répète, vous ne trouverez une législation qui est meilleure et qui est plus parfaite que la législation musulmane. Vous ne trouverez pas. Comme on l'a cité, les différents exemples, cette religion qui nous pousse à la bonté, le bon comportement, même avec les insectes. Même avec les insectes. Ce n'est pas comme une législation qui te pousse à acheter du bégon pour tuer les insectes. Non, en islam, c'est pas comme ça. En islam, c'est pas comme ça. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun » Alors, malheur aux prieurs, ceux qui sont distraits de leur prière. Ceux qui sont distraits de leur prière. Attention, je n'ai pas dit ceux qui sont distraits durant leur prière. Ils sont distraits de l'accomplissement de la prière. Qala ibn Kathir rahimahullah, qala ibn Abbas wa ghayruhu, ya'ni al-munafiqin الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر. Ibn Kathir rahimahullah, il nous dit, Ibn Abbas radiallahu anhuma et d'autres ont dit, ce qui est voulu ici, ce sont les hypocrites, ceux qui vont prier en public et qui ne vont pas prier lorsqu'ils sont seuls. وَلِهَذَا قَالَ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَالْتَزَمُوا بِهَا ثُمَّ هُمْ عَنْهَا سَهُونَ. Et c'est pour cela qu'il a dit, donc malheur aux croyants, c'est-à-dire ceux, malheur aux prieurs, c'est-à-dire ceux qui font partie des gens de la prière, ceux qui prient, mais qui, après cela, ils vont être distraits de cette prière, distraits de l'accomplissement de cette prière. إما عن فعلها بالكلية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وإما عن فعلها في وقتها المقدر لها شرعا. Et donc ensuite il continue Ibn Kathir rahimahullah. Et donc il nous a dit que cette personne va être distraite de l'accomplissement de cette prière. Il nous dit soit une distraction qui va faire qu'il va délaisser cette prière totalement, comme l'a dit Ibn Abbas, radiallahu anhuma, ou alors, soit il va être distrait du fait d'accomplir la prière dans son temps qui lui a été légiféré. فَيُخْرِجُهَا عَنْ وَقْتِهَا بِالْكُلِّيَّ كَمَا قَالَ مَسْرُوكُ وَأَبُو الدُّحَا. Et donc la personne à ce moment va faire sortir la prière de son temps. Il va la faire totalement sortir de son temps, comme a dit Masrouk et Abu Dhuha. Fin de citation de la parole d'Ibn Kathir. On médite, oh mes frères, sur toutes ces personnes qui vont au travail, au Luxembourg, ou ailleurs, en France, qui laissent passer les salawat, al-dhahr, al-asar, on est au travail. El Maghreb, c'est juste, est-ce qu'il y a le temps d'arriver à la maison ou pas? Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. C'est grave, les frères. C'est grave. Certains vont te dire, oui, mais j'ai une bonne niya, je veux rassembler de l'argent pour faire la hijra. Allahul Musta'an. Je désobéis à Allah pour obéir à Allah. Et c'est comme ça qu'on fait la hijra? Faut pas oublier hijrat el amel. L'émigration des œuvres, le fait de délaisser ce que Allah tabaraka wa ta'ala a interdit. Et donc tu dois faire les deux émigrations. L'émigration du lieu et l'émigration des œuvres. Qala al-'allamah Ibn al-Uthaymeen rahimahullah ay ghafiluna 'anha لا يقيمونها على ما ينبغي. Ibn al-Uthaymeen, le grand savant Ibn al-Uthaymeen rahimahullah, il dit, c'est-à-dire que ils ne se soucient pas de celle-ci. Ils ne se soucient pas de la prière. Ils ne l'accomplissent pas comme il convient. يؤخرونها عن الوقت الفاضل ولا يقيمون ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا قعودها. Et donc, ils vont la faire sortir de son temps qui est recommandé. Ils vont la retarder, cette prière. Et ils ne vont pas accomplir correctement son inclinaison, sa prosternation, sa station debout, sa station assise. وَلَا يَقْرَأُونَ مَا يَجِبُ فِيهَ مِنْ قِرَاءَةٍ سَوَاءً كَانَتْ قُرْآنًا أَوْ ذِكْرًا. Ils ne vont pas non plus lire ce qui est obligatoire de lire durant la prière, que ce soit du Coran ou des invocations. إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَهُوَ غَافِلٌ. Lorsqu'il commence sa prière, alors il ne se soucie pas de celle-ci. Il commence sa prière, il n'est pas concentré dans celle-ci. قَلْبُهُ يَتَجَوَّلُ يَمِينًا وَشِمَلًا. Son cœur est à droite, à gauche. Il prie à Villerue, son cœur il est à Washington. Hein? Il prie ici avec nous, son cœur il est là-bas. En train de penser, oui, si, ça, ça, etc., etc. فَهُوَ سَهِنًا صَلَاتِهِ. Et donc il est distrait de cette prière. وَهَذَا مَذْمُومٌ. Et ceci est blâmable. الَّذِي يَسْهُو عَنِ الصَّلَاتِ وَيَغْفُلُ عَنْهَا وَيَتَهَاوَنُ بِهَا لَا شَكَّ أَنَّهُ مَذْمُومٌ. انْتَهَى. Et donc ils disent, le cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il dit donc celui qui est distrait de l'accomplissement de sa prière et qui ne va pas se soucier de celle-ci, il va être négligent quant à celle-ci, il n'y a nul doute que celui-ci est blâmable. Fin de citation. Idan ayyuhal ikhwa, la yanbaghi lana an natasahal fi iqamati hadhihi as-salat. Et donc, ô chers frères, il n'est pas convenable qu'on soit négligent dans l'accomplissement de cette prière. En fait, peut-être même il aurait été mieux de faire ce cours avant la salat. Ça? Et donc, il est important, les frères, qu'on s'efforce d'être concentré durant cette prière. On laisse pas Shaitan venir nous déconcentrer. Tu rentres, à peine tu dis Allahu Akbar, bah, ton esprit part partout. Subhanallah al-Ali al-Azim. Personne t'appelle de toute la journée, tu commences Allahu Akbar, le portable vibre pendant toute la salat. Et shahada, subhanallah. Tout pour te déconcentrer de ta prière. Et donc les frères, il faut qu'on fasse des causes. Il faut qu'on fasse des causes pour rester concentré durant cette prière. Yassilatun bainaka wa bayna rabbik, c'est le lien entre toi et ton Seigneur. Il faut qu'on fasse attention. قال ابن كثير رحمه الله من اتصف بشيء من ذلك قصت من هذه الآية. Et donc celui qui a une des caractéristiques de ce qui a été cité, alors il a une part de ce verset. Il a une part de ce verset. ومن اتصف بجميع ذلك فَقَدْ تَمَّ لَهُ نَصِيبُهُ مِنْهَا وَكَمُلَ لَهُ النِّفَاقُ الْعَمَلِي كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْكُبُ الشَّمْسُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. Ibn Kathir rahimahullah. Et donc il nous dit que par contre celui qui a rassemblé toutes ces caractéristiques qui ont été citées dans ce verset, alors il prend sa pleine part du verset et il a parachevé, il a complété l'hypocrisie dans l'acte. Il a complété l'hypocrisie dans l'acte, comme cela a été cité dans Sahihayn, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, telle est la prière de l'hypocrite, telle est la prière de l'hypocrite, telle est la prière de l'hypocrite. Il s'assied en regardant le soleil, c'est-à-dire que les savants nous disent, il n'a rien à faire. Il s'assied, il est là. Il n'a rien à faire. Il perd son temps. Il s'assied, donc, en attendant que le temps passe, jusqu'à ce que le soleil soit entre les deux cornes du diable. Un peu avant le coucher du soleil. Alors à ce moment-là, il se lève. فَنَكَرَهَا أَرْبَعًا. Alors, il se précipite à l'accomplir en quatre unités. Le verbe nakara, donc, ce que fait l'oiseau, il va becquer l'oiseau. Lorsque l'oiseau va becquer dans un arbre, comme certains font, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il va prier comme un oiseau. لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. Il ne fait le rappel d'Allah, il ne se rappelle d'Allah dans cette prière que très peu. Dans cette prière, il ne se rappelle d'Allah que très peu. Il dit, Ibn Kathir, rahimahullah, فَهَذَا آخِرُ صَلَاتِ الْعَصْرِ أَلَّتِ هِيَ الْوُسْطَى كَمَا ثَبَتَ بِهِ النَّصِ. Et donc ceci est la fin du temps du Asr. Cette prière du Asr, qui est la prière médiane, comme cela a été affirmé dans les textes. Il a akhiri waqtiha, et donc il la retarde jusqu'à la fin de son temps. Wa huwa waqtul kiraha, et ceci est le moment durant lequel il est détestable de prier. Thumma kum ilayha fa naqaraha naqra al-ghurab lam yatma'in wa la khashiya fiha aidan. Et ensuite, alors à ce moment-là, il se lève et il va l'accomplir comme le fait l'oiseau. Et comme si donc il becquetait dans le sol, il n'est pas apaisé, il n'est pas concentré durant celle-ci, et c'est pour cela. وَلِهَذَا قَلْ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. Et c'est pour cela qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il ne se rappelle d'Allah dans cette prière que très peu. Parce qu'il faut finir rapidement avant la fin du temps. Et donc il est concentré dans le fait de prier rapidement, pas de se rappeler de son Seigneur. Ensuite, il dit Ibn Kathir rahimahullah. Il dit: "Wa la'allahu innama hamalahu 'ala al-qiyam ilayha mura'atu an-nas labtira'u wajhillah." Il dit: "Il se peut que ce qui l'a poussé à accomplir cette prière, parce qu'il l'a retardé, qu'est-ce qui l'a poussé à l'accomplir ?" Il dit: "Il se peut que ce qui l'a poussé à accomplir cette prière, c'est donc le regard des gens. Ce n'est pas le fait de rechercher la face d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fahuwa kama idha lam yusalli bil kulliya inta." Ensuite, il nous dit, Ibn Kathir, et c'est comme si il n'a pas du tout prié. Fin de citation. Ta'ammalu ayyuha al-ikhwa fi kalam Ibn Kathir في ذكر هذا الذي حمله على القيام بهذه الصلاة بعدما أخرها عن وقتها الفاضل والواجب فقال إن الحامل لذلك هو الرياء. Et donc méditez sur cette parole d'Ibn Kathir, ô chers frères, lorsqu'Ibn Kathir rahimahullah nous dit que ce qui a poussé cette personne, après qu'elle ait retardé la prière, elle l'ait fait sortir de son temps recommandé, son temps obligatoire, après tout cela, il nous dit, ce qui a poussé la personne à accomplir quand même la prière, c'est l'ostentation, c'est le regard des gens. Méditez sur cela. Et méditez sur le verset qu'Allah il cite juste après cela. Et donc ceux qui vont faire preuve d'ostentation. Ceux qui recherchent le regard des gens. Fal amru khatir ayu al ikhwa. Et donc le sujet est grave et dangereux, chers frères. La tatashabahu bil munafiqin. Et donc ne ressemblez pas à ces hypocrites, ceux dont Allah tabaraka wa ta'ala a dit d'eux: innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit d'eux: certes, les munafiqines cherchent à tromper Allah. Et c'est eux qui les trompent. Et c'est lui qui les trompe. Et lorsqu'ils se lèvent pour accomplir la salat, ils le font en toute paresse. Ils, donc, ils accomplissent leurs actes d'adoration avec ostentation. Yura'un an-nas, ils recherchent le regard des gens et ne se rappellent que très peu d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yanbari ayyuha al-ikhwa at-tafriq bayna as-sahwi 'an as-salat wa as-sahwi fi as-salat. Et il est important de faire la distinction entre la distraction de l'accomplissement de la prière et la distraction durant la prière. Les deux ne sont pas pareils. Fassahu fi salat qad yahsul lil jami'. La distraction durant la prière, cela peut toucher tout le monde. Qad sahha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, cela est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants nous disent as-sahwu fi salat an tansa shay'an minha. Les savants nous disent la distraction durant la prière, par exemple, ce qui est voulu par là, c'est par exemple le fait d'oublier donc quelque chose durant la prière. Tu peux oublier un pilier ou une obligation ou un acte recommandé, ou tu oublies où tu es. Ça peut arriver. Mais par contre, la distraction de la prière, c'est pas pareil. Là, tu as commencé à Allahu Akbar, tu n'es pas dans ta prière. Parfois, donc certains méditaient, par exemple, sur, lorsque tu finis ta prière et que tu te dis, quelle prière, quelle salat l'imam a récité ce matin au Fajr? Est-ce que tu étais concentré ou pas? Quelle, donc, surat l'imam a récité au Maghrib? Est-ce que tu étais concentré ou pas dans la prière? Ou est-ce que pendant que l'imam y récitait, tu étais arrivé au bled en vacances, tu préparais ton voyage? Et donc, il faut faire attention à ça, mon cher frère. Et rappelez-vous la parole de Atta ibn Dinar qui nous dit Alhamdulillah, alladhi qala an salatihim sahun, wa lam yaqul fi salatihim sahun. La parole de Atta ibn Dinar qui nous dit toutes les louanges reviennent à Allah, celui qui a dit an salatihim sahun, ceux qui sont distraits de la prière, de l'accomplissement de la prière. Et il n'a pas dit ceux qui sont distraits durant la prière. Et donc, Atta, il a fait la distinction entre les deux. Et pour finir, donc le dernier verset, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui nous dit وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Et ils interdisent l'ustensile. Ils ne donnent pas l'ustensile. فَلَا يُعِنُونَ الْمُحْتَاجِينَ وَلَوْ بِدَلْوِنْ اِحْتَاجُوا إِلَيْهِ. Et donc ils ne vont pas aider ceux qui ont besoin, même avec un seau. Cette personne qui vient à toi te demande de l'aide, est-ce que tu peux me prêter telle et telle chose? Non. Il ne veut pas prêter. Et donc il est important, mon cher frère, qu'on pense à cela, à ne pas ressembler à ce genre de personnes. Les savants nous disent فَمَنْ كَانَ فِي هَذِي الْحَالَ كَيْفَ يُخْرِجُ الزَّكَاةِ. Ils nous disent, celui qui est dans cette situation, même un seau, il ne veut pas prêter à une personne, comment il va sortir la zakat? Comment est-ce qu'il va donner l'aumône? Comment est-ce qu'il va aider à la construction des mosquées? Même un seau, il ne veut pas prêter. Et donc il est important, au cher frère, lorsqu'on lit le Coran, qu'on médite et qu'on ne lise pas le Coran juste pour lire. أنت لا تقرأ فقط لمجرد القراءة وإنما تذكر قول عائشة رضي الله عنها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. Rappelle-toi la parole de Aïcha رضي الله عنها lorsqu'elle a décrit le prophète صلى الله عليه وسلم. Elle a dit son comportement était le Coran. Et donc toi, lis le Coran, lis ces versets et cherche à œuvrer avec. Éloigne-toi de toutes les caractéristiques qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis en garde. Et efforce-toi d'accomplir les caractéristiques qu'Allah tabaraka wa ta'ala a louées. Voilà le bon comportement que tu dois avoir lorsque tu lis le Coran. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.